Vous écoutez? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à la croche-oreille sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui aime le son, les arts sonores évidemment et les musiques merveilleuses parce qu'elles sont inclassables. Je vous propose ce soir le survol d'une plateforme de diffusion sonore tout à fait originale, une plateforme sonore et une maison d'édition qui origine de Bretagne en France. Elle se nomme IKI, I-K-K-I, et qui a pour particularité de faire dialoguer un univers sonore avec un univers photographique. Le label se donne pour devoir de réunir pour chaque production deux artistes afin de les voir créer une trame sonore et l'édition d'un livre dont on peut apprécier le contenu en simultané. Évidemment qu'on va ce soir se contenter du volet sonore, mais j'en profite pour vous présenter quelques-uns des projets réalisés par IKI depuis 2016, date de création du label d'édition sonore et visuelle qui a été lancé par l'artiste Mathias Van Eeckloo. Mathias Van Eeckloo est issu du domaine de la photographie et des arts plastiques au départ et disons qu'il s'est intéressé ensuite à l'expérimentation sonore à travers un projet intitulé Monolithe et Cobalt. Son label d'édition sonore et visuelle et qui émerge dans ce contexte avec l'idée de mixer images et sons dans un format physique qui puisse se partager, dit-il. J'ouvre les guillemets. Il dit « J'aime l'idée d'avoir un substrat physique, le livre, l'album, et donc finalement d'avoir un projet sonore qui peut se définir également dans un autre champ artistique. » Je referme les guillemets. « Offrir un nouvel espace créatif où se côtoient expérience de lecture et expérience sonore, cassant les frontières tant du livre que de l'album sonore. » C'est un peu ce que la plateforme IKI veut proposer puis transmettre. Alors ce soir, je vous propose quatre projets sonores issus de ces dernières années du label IKI et on va débuter avec un projet intitulé Drew, I Drew Fish Hook and It Turned Into a Flower. C'est le titre du projet qui est le résultat d'un dialogue entre le photographe Jake Mitchell et les artistes sonores Stephen Vitiello et Molly Berg. Stephen Vitiello et Molly Berg collaborent régulièrement depuis presque une quinzaine d'années maintenant. Ensemble, ils utilisent des instruments qu'ils maîtrisent à divers degrés et mènent des sessions d'enregistrement dans toutes sortes d'endroits, des bureaux, des pièces vides, d'immeubles, plutôt que dans de véritables studios. Jake Michaels est un photographe basé à Los Angeles. Il est collaborateur régulier du New York Times. Le projet IKI s'inscrit dans la série en cours intitulée The Look, qui présente un mélange de photographies de mode et de rue. On écoute donc ensemble une œuvre intitulée A Drew a Fish Hook. C'est de Stephen Vitiello et de Molly Berg. Thank you. très belle pièce de Stéphane Vitiello et Molly Berg, un titre paru sur ce label Iki, label qui fusionne le travail d'un photographe et d'artiste sonore. On va maintenant écouter un projet intitulé Flowers Bloom Butterflies Come, qui est le résultat d'un dialogue cette fois entre le photographe, la photographe, je devrais dire, et l'artiste, artiste japonaise Mio Kaioka et les musiciens, compositeurs britanniques Ian Hagood et Craig Tattersall, un projet réalisé en 2021. Encore une fois, le projet a donné lieu à un disque CD et à un livre. Né au Royaume-Uni, Ian Hagood a passé la majeure partie de sa vie d'adulte au Japon, en Italie et en Pologne. Il fait de la musique et des œuvres sonores en utilisant notamment des magnétophones, enregistreurs Nagra, hydrophones et autres microphones de terrain. Il a créé avec Craig Tattersall une musique d'ambiance inspirée de vieux synthétiseurs avec des bandes magnétiques, piano, jouets, combinaisons de tous ces dispositifs. Le photographe du projet, la photographe Mio Kaioka, a une démarche principalement basée sur l'instantané. Elle transporte son appareil photo partout et prend intuitivement des photos de tout ce qu'elle trouve intéressant, dit-elle. Kaioka se considère plus comme une peintre dessinatrice que comme une photographe. Voilà, je vous propose donc qu'on écoute un enchaînement de deux pièces intitulées « Observatories Magnetic Heart », « Cœur magnétique », et puis ce sera suivi d'une pièce intitulée « Saying and Doing are Two Different Things ». Alors, un travail réalisé par les... travail sonore réalisé par les musiciens-compositeurs britanniques Ian Hagood et Craig Tattersall. Thank you. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission autour de la plateforme d'édition sonore et visuelle IKI, une plateforme de diffusion qui a la particularité, l'originalité, je dirais même, d'associer un travail photographique à des artistes sonores autour d'un projet qui donne lieu à un disque, CD, en tout cas une matière sonore et une publication. On peut retrouver d'ailleurs toute cette documentation visuelle, notamment et sonore, évidemment, sur la plateforme Bandcamp, mais aussi sur le site iki-books.com. Vous retrouverez ça sur le site La Croche-Oreille. Je vous donnerai les infos. Alors voilà, restez des nôtres pour la suite. Je vous reviens après un bref battement promo. Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. And you are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. Girl, you gotta love your man. Vous écoutez La Croche-Oreille. soir, c'est l'accroche-oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1 ainsi que sur ckrl.qc.ca sur la toile. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le titre des pièces entendues ce soir sur le site l'accroche-oreille ainsi que toutes les références aux projets visuels qui sont associés aux créations sonores diffusées par le label IKI visuel que vous allez retrouver sur le site intitulé IKI, I-K-K-I. books.com. On retrouve là les presque 20 projets qui ont été réalisés par le label. Et on poursuit ensemble jusqu'à 22h ce bref survol de l'étiquette IKI, une étiquette qui origine de la Bretagne française, un label breton, un label lancé en 2016 par Mathias Van Ecklou, artiste du domaine de la photographie et des arts plastiques qui s'est converti à l'expérimentation sonore à travers un projet intitulé Monolithe et Cobalt. Comme je l'ai mentionné en première partie d'émission, le label IKI est né de cette idée très audacieuse et stimulante de combiner des images photographiques et du son dans des formats qui puissent partager le disque, le CD, le document numérique et le livre. On trouve donc pour chacun des projets un dialogue entre artistes sonores et photographes. Comme le rappelle d'ailleurs Mathias Ecklou, l'idée motrice du dialogue est de trouver des intersections entre les artistes, comment un travail en influence un autre afin de fournir une expérience sensorielle différente, tant visuelle que sonore. Je referme les guillemets, c'est Ecklou qui nous dit ça. Alors je poursuis avec vous le survol du label IKI avec le projet, cette fois intitulé « Lowlands », qui est le résultat d'un dialogue entre l'artiste Esther Von Plon et les artistes musicaux Taylor Dupree et Marcus Fisher, un projet réalisé en 2017. Ce projet démarre quand la photographe Esther Von Plon se rend à Spitsbergen dans l'océan Arctique à l'été 2016. Elle navigue sur les mers encombrées de glace de l'océan Arctique sur un voilier à trois mâts pour capturer les impressions des glaciers vêlant la fonte des glaces. Ce voyage photographique dans l'océan Arctique a été le motif parfait pour Taylor Dupree et Marcus Fisher afin de composer et enregistrer cet album intitulé Lowland. Esther Von Plon vit et travaille en Suisse. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions individuelles et collectives. Taylor Dupree est un artiste sonore plutôt réputé, photographe aussi, graphiste et ingénieur de mastering, de matrissage, dirait-on en français. Il est américain. Son travail met l'accent sur l'hybridation de sons naturels et de composantes technologiques. Quant à Marcus Fisher, c'est un musicien, un artiste interdisciplinaire qui est basé à Portland, Oregon. Son travail s'articule généralement, dit-on, autour de la mémoire, de la géographie et de la manipulation de supports d'enregistrement audio. Voilà, on écoute ensemble un enchaînement de deux pièces réalisées par Taylor Dupree et Marcus Fisher. Une première, c'est le pièce-titre intitulée Lowlands et une seconde pièce qui s'intitule Rivers. Alors, on écoute ça. vient d'entendre ce projet réalisé par Taylor Dupree et Marcus Fisher, un projet réalisé en 2017 avec la collaboration de la photographe Esther Von Plon, suissesse d'origine, un projet qui unit photographie et création sonore. Les images d'Esther Von Plon ont été réalisées dans l'Arctique. Alors, je vous propose qu'on enchaîne avec un second titre tiré de ce projet intitulé « Lowland » et cette fois une pièce intitulée « Rivers, rivières ». Alors voilà, pour compléter la soirée autour de ce label Icky, label d'origine bretonne, lequel combine art sonore et photographie, je vous propose qu'on écoute cette fois un projet intitulé Sasanami, qui est le fruit cette fois d'un dialogue entre le photographe japonais Yamamoto Masao et le musicien japonais Akira Uchida, projet réalisé celui-là récemment, 2020. Après avoir travaillé comme saxophoniste pendant plusieurs années, Akira Uchida apprend à accorder le piano et imagine un atelier sonore qui consiste à introduire comment interagir avec divers sons du point de vue de la notation du son. Par la suite, Akira Uchida a commencé à créer un clavicorde, fabriquer des instruments, accorder des sons, être musicien, dit-il, ce flux est essentiel pour moi pour voir le monde. Le photographe Yamamoto Masao est né au Japon en 1957. Il a étudié la peinture, mais s'est mis à travailler l'impression à la gélatine argentique comme support. Ses œuvres sont exposées en Amérique et en Europe. Il aime créer en étant proche de la nature. Je vous propose qu'on écoute le volet sonore de ce projet intitulé Sasanami. C'est le volet 2, une création sonore d'Akira Uchida qui accompagne les images photographiques de Yamamoto Masao. On écoute cette pièce, un extrait. C'est une longue pièce de 20 minutes. On en écoute un extrait. Thank you. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir autour de la plateforme d'édition sonore et photographique IKI. Vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche Oreille. On trouve ça facilement sur la toile ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Vous y retrouverez également les références aux projets photographiques évoqués au cours de l'émission. Très beau site réalisé par IKI. Vous verrez, ça vaut le détour. Sur ce, on poursuit l'écoute de l'œuvre intitulée Sasanami de l'artiste Akira Ushida, accompagné de Miyu Sakamoto à la voix. Je vous invite à être des nôtres dimanche prochain dès 21h sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.